monsieur le pêcheur, ça mord? Vous faites sauver le poisson. Du poisson? J'en ai jamais vu. Il y en a peut-être, mais faut pas faire de bruit, hein. Chut, la barbe. Ah, mais je veux pas vous déranger. Pêchez, pêchez. Le pêcheur au bord de l'eau, abrité sous son chapeau, est heureux et trouve la vie belle. Tandis que flotte son bouchon, il sifflote une chanson. C'est moi. Il rigole derrière sa moustache. Car je sais que dans ce coin, on n'attrape jamais rien. Poum, poum, poum, même quand on est malin. Alors, monsieur, ça mord? Ah non, ça ne va pas très fort. Ah, il faut être patient. Ici, le poisson n'est pas gourmand. Je vais mettre un autre verre. Moi, je m'en vais boire un verre. Ça donne chaud de vous regarder faire. Installé sur un pliant, le pêcheur attend longtemps. Mais le poisson ne veut pas se laisser prendre. Le soleil est déjà haut. Je crois que vous allez avoir chaud. Moi, je m'en vais. Salut et à bientôt. Oh, quel raseur, quelle barbe! Ah ben, dis-donc, je suis sur mes terres, hein. Mais il faut pas m'embêter, hein. Au loin, pas des tas de péniches. Les filles lui crient. Oui! Silence, les filles, pêche. Mais de tout cela, il se fiche. Il n'est pas là pour s'amuser. C'est vrai, le pêcheur au bord de l'eau, abrité sous son chapeau, voudrait bien ne pas rentrer bredouille. Il a beau être outillé, pas moyen d'en attraper. Encore lui! Oh, quel casse-pied! Tiens, vous êtes toujours là. Et alors, comment que ça va? Oh, ça va mal. Il n'y a rien à faire aujourd'hui. Ce poisson, moi je le connais. Il ne fait que ce qui lui plaît. Attention, cette fois je crois que ça y est. Tout au bout de sa ligne, le pêcheur qui s'indigne, quoi qu'il vient d'attraper, devinez quoi? Un vieux soulier, oh ça c'est rigolo, c'est un des godillots que j'ai perdu l'année dernière dans l'eau. Le pêcheur est dégoûté, il s'en va le nez baissé. Oh, prenez-la, puisque c'est votre chaussure. Aïe, aïe, aïe, aïe. Je vous remercie, mais tant qu'à faire, je voudrais l'autre pour faire la paire. Revenez demain. Puisque c'est un bon coin. Pom pom pom, on taquinera le goujon. Pom pom pom, on taquinera le goujon.